Voici Histoire vivante. Merci d'écouter la première. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. C'est ça qui frappe le plus quand on arrive en Iran pour la première fois, c'est la fierté de n'importe quel Iranien de parler de leur passé prestigieux. Cette semaine, retour en Iran. C'est à la fois une puissance politique, culturelle, littéraire, qui a façonné quelque part la région. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Depuis la révolution islamique de 1979, il y a effectivement une lutte au couteau entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership du monde musulman. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les chiites sont formés à pratiquer ce qu'on appelle interprétation, ce qui s'appelle en arabe ijtihad. Il y a un sentiment en Iran que l'Occident n'a absolument aucune légitimité à dire à l'Iran ce qu'il doit faire sur son programme nucléaire. Dans l'entretien d'hier, auprès de la chercheuse Laurence Louer, il a été évoqué la question des monarchies pétrolières et de leurs deux grands voisins, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui tentent par influence multiple, violente ou non, d'asseoir leur suprématie dans la région. Aujourd'hui, suite de cette problématique, en compagnie du chercheur Thierry Coville. Un entretien enregistré en 2012. Thierry Coville, dans un de vos articles, vous insistez sur le fait qu'il est bon d'avoir toujours en tête que les Iraniens estiment qu'ils sont la puissance dominante dans la région, mais dans ce même article, vous rappelez l'argument également historique, pour ne pas dire millénaire, qui les amène à avoir une telle sensation. Alors, est-ce que vous pourriez, déjà dans un premier temps, sans évidemment brosser 4000 ans, nous donner, au fond, à apprécier les éléments d'un tel sentiment de leur part? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un... D'ailleurs, c'est ça qui frappe le plus quand on arrive en Iran pour la première fois, c'est la fierté de n'importe quel Iranien de parler de leur passé prestigieux. Et je crois qu'on peut comparer l'Iran avec la Chine de ce côté-là. Il y a ce sentiment que on fait partie des puissances politiques, culturelles qui comptent dans l'histoire de l'humanité. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a ce sentiment qui est très très profond chez les Iraniens et qui est justifié par le fait, comme vous l'avez rappelé, que ils ont dans leur histoire, donc même 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait la civilisation achéménide qui avait carrément, c'était carrément le premier empire du monde, avec un système de gouvernement assez complexe. Donc ils ont le sentiment qu'ils ont apporté quelque chose à l'histoire de l'humanité et qu'il faut qu'on compte avec eux. Et en plus, vous avez quand même tout l'apport de... Je veux dire, c'est comme la Chine, tout l'apport de la culture iranienne, donc qui est, comme vous rappelez, qui remonte à très très longtemps, à toute l'histoire de la région, parce que l'histoire de la région est quand même pénétrée par la culture iranienne, qui a joué un rôle central, que ce soit dans la littérature, la poésie, l'architecture. Tout le monde connaît le Taj Mahal en Inde. Bon, ben le Taj Mahal, c'est l'endroit de la tour en persan. Donc, en Inde, le persan était langue de cour, je crois, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. La littérature iranienne, elle est connue partout. Les poètes iraniens, ils sont connus partout dans toute la région. Donc, c'est à la fois une puissance politique, culturelle, littéraire, qui a façonné quelque part la région. Donc, ce sentiment est très, très profond en Iran, tout à fait. Cependant, et vous le rappelez également dans ce même article, l'affirmation aujourd'hui, plus que jamais, pour le pays, c'est d'avoir à se positionner dans la région comme si ces 4000 ans, en quelque sorte, pouvaient être, au regard de la géopolitique contemporaine, parfois remis en question. L'Iran compte énormément, mais elle a des voisins qui ne sont pas minces. Je pense évidemment, grâce à votre article, à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, mais il n'y a pas que. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai toujours frappé... En Iran, quand il y a un côté agacement, c'est-à-dire quand ils voient l'Arabie Saoudite ou même ce qu'on appelle les pétromonarchies, genre Qatar, Émirats Arabes Unis, qui veulent jouer un rôle dans la région, ils disent, il y a quelque part, comment osent-ils eux, qui n'existent que depuis quelques dizaines d'années, alors que nous, voilà. Donc, effectivement, ils doivent compter avec cette réalité. Et cette réalité, elle est, je pense que vous parliez de la rivalité avec l'Arabie Saoudite, elle a jamais été aussi forte peut-être qu'actuellement. Parce que vous avez plein de phénomènes qui commencent à rentrer en jeu. Vous avez la question du nucléaire qui quand même l'iranien qui inquiète beaucoup l'Arabie Saoudite. Vous avez l'Arabie Saoudite qui s'inquiète beaucoup de l'influence croissante. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais on le voit comme ça des chiites dans la région avec un gouvernement chiite en Irak. Avec moi je pense que c'était une révolte civile, mais l'Arabie Saoudite voit ce qui s'est passé au Bahreïn comme une tentative de déstabilisation de l'Iran, de ce pays, comme il y a une majorité chiite au Bahreïn. Donc il y a le sentiment, l'Arabie Saoudite, qu'il faut absolument réagir pour réaffirmer l'influence sunnite. L'Arabie Saoudite est évidemment très très proche des États-Unis. On sait très bien quel est l'état des relations entre les États-Unis et l'Iran. C'est aussi deux grands pays pétroliers. Donc il y a plein de facteurs qui font qu'actuellement, effectivement, il y a une énorme rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cela étant, il y a la partie visible, c'est un peu comme l'iceberg, mais la partie invisible. On peut prendre comme exemple ce que vous racontez de la coulisse des relations Israël-Iran, au-delà du devant de la scène qui est fait de gesticulations et de mots qui ne sont jamais trop durs. Il y a quand même le suivi des négociations. Ah oui, ça c'est pour les gens qui s'intéressent vraiment à la région. Bon, il y a des documents signés qui sont en possession, je crois, d'un universitaire américain qui prouvent qu'il y a eu un contrat d'armement signé, je crois, juste après la révolution entre la République islamique d'Iran et Israël. Donc ce contrat est avéré. Donc effectivement, il y avait des contacts entre les deux pays. Je crois qu'en échange, c'était que l'Iran favorise l'émigration d'une partie de sa communauté juive en Israël. Donc, effectivement, il y a des relations entre les deux pays. On sait aussi le rôle qu'a joué Israël dans l'affaire, vous savez, de contrat américain. Ils ont joué le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire que, pour rappeler l'histoire, donc le gouvernement américain, c'était assez compliqué, voulait vendre des armes qui venaient en fait, je crois, des Sandinistas du Nicaragua, à l'Iran. Enfin, utiliser de l'argent qui venait du Nicaragua pour vendre des armes à l'Iran. Et l'intermédiaire contre la libération d'otages américains au Liban. Et l'intermédiaire dans cette affaire, on sait, c'était Israël. Et on sait aussi que l'Israël suit de très près ce qui se passe en Iran. Et il y a sans doute une très très bonne connaissance, vraiment, quand on parle avec les experts israéliens de ce qui se passe en Iran. Et on est toujours frappé de leur connaissance et quelquefois à milieu de ce que vont raconter les hommes politiques israéliens. Quand Netanyahou a parlé du risque d'une deuxième Shoah, ce qui est quand même pas des expressions légères, et en même temps, le chef de l'armée israélienne disait qu'à son avis, on peut supposer qu'il est bien renseigné, l'Iran ne voulait pas la bombe nucléaire. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment deux avis complètement opposés en Israël sur l'Iran. Ce qui ne rend pas, qui plus est, la lecture de tout cela facile, et peut-être pouvez-vous nous y aider un peu, c'est que aucun pays, bien sûr, n'est monochrome, mais en Iran, les courants intérieurs politiques sont particulièrement divergents, opposés, contradictoires. Comment faut-il comprendre le système politique iranien, sachant que vous dites dans un article, même les Iraniens s'y perdent parfois. Comment, peut-être à grands traits, peut-être à trop gros traits, malheureusement, ou pas, vous nous le direz, Thierry Coville, comment fait-on pour présenter cela? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs c'est aussi, à mon avis, un problème de la politique occidentale, c'est qu'on a trop d'experts ou de conseillers qui prétendent connaître tout ce qui se passe en Iran et qui nous disent qu'il faut simplement appuyer sur ce bouton-là pour que ça arrive, alors que vous avez raison de le signaler. Même souvent en Iran, quand on pose la question, les gens savent pas, et même les fonctionnaires savent pas. Je veux dire, même les gens qui sont très proches du pouvoir savent pas comment la décision a été prise. Donc faudrait m'expliquer comment un Français ou un Américain sait. Donc bon, pour revenir à votre question, la particularité du système politique iranien depuis la révolution, c'est que vous avez différents courants qui s'affrontent très très durement, c'est vrai, mais ils sont à l'intérieur du régime. C'est-à-dire qu'en Iran, on les appelle les rodis, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur. Donc ils restent à l'intérieur, et le principe pour qu'ils restent à l'intérieur, c'est qu'ils respectent ce qu'on appelle en Iran la velayat-e faril, c'est-à-dire la supériorité du religieux sur le politique, qui est symbolisée par l'existence du guide suprême, qui est la personnalité politique numéro un en Iran. Donc si vous êtes un courant politique en Iran et vous respectez le velayat-e faril, à la limite, vous avez, quelque part, vous avez le droit de jouer, entre guillemets. Donc bon, les courants, il y en a plusieurs. C'est ça qui est frappant en Iran, si vous voulez, pour l'observateur extérieur, c'est qu'ils se mènent une lutte féroce. Ils se traitent de tous les noms. Et en même temps, le régime est capable de, voilà, de fonctionner, de présenter, si vous voulez, cette lutte ne conduit pas à une, enfin, je sais pas, de guerre civile, mais à un dysfonctionnement du régime. Encore que, c'était une des grandes peurs de l'ayatollah Khomeini que les affrontements à l'intérieur du régime conduisent à sa perte. Donc, il a créé plein d'institutions pour, quelque part, faire en sorte que ces conflits soient gérés. Ça sous-entend, si l'ayatollah Khomeini le fait, c'est que déjà, antérieurement à Khomeini, à l'époque du Shah, ce sont des choses perceptibles ou ça n'apparaît qu'avec la révolution de 79? Non, il y a, avec la révolution, si vous voulez, il y a différents courants qui commencent à se développer juste après la révolution. Et ils se sont tellement affrontés que justement, l'ayatollah Khomeini avait exprimé cette crainte plusieurs fois qu'il était obligé d'intervenir pour dire « calmez-vous ». Bon, en gros, juste après la révolution, si vous voulez, il y avait un courant, on va dire la gauche islamique, qui était vraiment pour un programme politique de gauche, c'est-à-dire nationalisation, réforme agraire, interventionnisme de l'État, etc. Et en face, vous aviez un courant plutôt conservateur qui était pour une économie, on va dire, semi-libérale, moins d'intervention de l'État. Et ces deux groupes, alors il y a des positions à l'intérieur, mais ces deux groupes se sont très fortement affrontés à tel point que ça a conduit à un moment à une immobilisation du système politique et qu'ils ont créé, pour vous dire, une institution qui est chargée quelque part, parce que vous aviez le Parlement dominé un petit peu par la gauche et, on va dire, le Sénat iranien dominé par la droite. Donc, ils ont créé une institution qui est une sorte de chargée de faire la médiation entre le Parlement et le Sénat, qui existe toujours, qui s'appelle le Conseil du discernement de l'intérêt supérieur du régime, vous voyez. C'est compliqué en Iran. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette gauche islamique, après l'effondrement du mur de Berlin, a découvert les vertus de la démocratie. Et donc, c'est vraiment défendu tout d'un coup l'idée de société civile, d'un système démocratique. Et ça a pris de plus en plus d'écho dans la société iranienne, ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle cette gauche qui était pourtant très très dure, même sur le plan moral, qui défendait un ordre moral très dur en Iran, a complètement changé de cap et a défendu la démocratie, je veux dire, à partir du début des années 90, et ce qui a donné lieu à l'élection de Mohammad Khatami en 97. Donc ça a un peu changé de cap, si vous voulez. Et aujourd'hui, cette gauche islamique, elle est sortie du système des Rodi, ce que je vous disais au départ, parce que en 2009, avec ce qui s'est passé, il y avait eu une élection présidentielle. Moussavi, qui était un réformateur, l'avait gagné. Et le guide a dit non, c'est Ahmadinejad qui a gagné, en gros. Et Moussavi, pour la première fois depuis la révolution, a dit le guide ment, quelque part. Ce qui est, en Iran, impossible à dire. Donc, quelque part, ils sont sortis du jeu politique. Ce qui est aussi compliqué en Iran, c'est qu'ils sont sortis du jeu politique, mais ils y participent aussi parce que leurs idées sont toujours en l'air. Mais disons, dans le jeu officiel politique en Iran, on va dire c'est les conservateurs dont je vous parlais au début, qui s'affrontent eux-mêmes par des courants internes à leur propre mouvement actuellement. Histoire vivante, cette semaine, retour en Iran. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et on commence donc par l'élection d'un homme. Il est devenu à la surprise générale, dès le premier tour, le nouveau président iranien. Extrait du TJ de France 2, 15 juin 2013. Hassan Rouhani succède à Mahmoud Ahmadinejad, l'homme qui, durant 8 années, n'a cessé de défier la communauté internationale et qui devait céder sa place. Alors, que faut-il penser de l'arrivée de celui qui était qualifié comme l'unique candidat modéré ? Le message du peuple sera-t-il entendu ? Le point avec Sama Soula. Il porte le turban blanc et la cape noire des mollahs. Voici le visage du nouveau président iranien, Hassan Rouhani, 64 ans, du camp des modérés. Le religieux a été élu dès le premier tour avec une très large avance sur ses adversaires conservateurs. Une victoire surprise dans cette élection ultra verrouillée par le système, car Hassan Rouhani est le candidat qui a le plus critiqué le régime tout au long de sa campagne électorale. Dans ses meetings, très suivis par les jeunes, il a réclamé la libération des prisonniers politiques après l'élection contestée de 2009, pointé du doigt les dérives autoritaires et répété que l'Iran devait sortir de l'isolement en renouant le dialogue avec l'Occident. Lors du dernier débat télévisé face à ses 7 adversaires, il s'est montré particulièrement direct et audacieux. Nous avons besoin de sortir de l'extrémisme. Cela concerne aussi notre politique étrangère. Nous devons protéger les intérêts de notre pays et la sécurité nationale de manière à permettre au peuple de participer politiquement, socialement et économiquement à sa marche. L'allusion à la rigidité du président Ahmadinejad sur le programme nucléaire est claire. Et Hassan Rouhani s'y connaît en la matière. Il a été le négociateur en chef sur le dossier avant d'être remercié par Ahmadinejad, qui l'avait même qualifié de traître parce qu'il cherchait le compromis avec les Occidentaux. C'était en 2005. Depuis 2013, Hassan Rouhani est président de la République islamique d'Iran. Présenté comme le seul candidat modéré de la campagne, il succède à Mahmoud Ahmadinejad, son prédécesseur, qui était au pouvoir en 2012 lorsque cet entretien avec Thierry Coville a été enregistré. Bon, en gros, chez les conservateurs, pour simplifier, il y a deux grands courants. Il y a un courant qu'on peut appeler national-populiste, symbolisé par Ahmadinejad, donc qui est une politique populiste, hyper-nationaliste, certains diront même plus que hyper-nationaliste, avec un certain nombre de déclarations qu'il a faites, clairement, beaucoup de gens en Iran disaient qu'il avait un agenda anti-clergé. C'est-à-dire que, quelque part dans sa tête... Interne, donc. Ouais, se débarrasser du rôle politique du clergé iranien. En face de lui, vous avez ce qu'on va appeler des conservateurs aussi, mais qui sont plus, qu'ils appellent en Iran, favorables à la... Ce qui est très important dans la culture iranienne et religieuse, c'est ce qu'ils appellent arl, c'est la logique, la raison. Donc, qui vont plus dire, nous, on veut baser nos politiques sur la rationalité, plutôt que le populisme d'Ahmadinejad. Ils sont moins pour des déclarations enflammées. Ils pensent que les déclarations enflammées d'Ahmadinejad sur Israël, exactement, ça a plutôt affaibli la position d'Iran. Donc, ils sont plus pour des politiques, on va dire, plus rationnelles. Je sais pas si on peut les appeler modérés, c'est plutôt modérés dans la forme, si vous voulez. Mais par contre, ils sont complètement fidèles au principe de velléité farile et complètement fidèles au guide. Donc c'est ce courant-là actuellement qui est en train un petit peu de prendre le pouvoir en Iran et qui est sûrement derrière la volonté de l'Iran, par exemple, de négocier sur le nucléaire. Très clairement, le guide a choisi son camp, donc c'est le camp dont je vous parlais qui prend le pouvoir. Donc c'est pas du tout une surprise. Par contre, les perspectives que ça laisse, c'est que ce camp va dominer la vie politique iranienne. Alors, ce qui est compliqué en Iran, c'est qu'il n'y a pas de vrai parti, si vous voulez. Donc, les gens s'inscrivent sur plusieurs partis. Donc, c'est plutôt des réseaux, des courants. Et en plus, en Iran, c'est aussi un affrontement des personnalités qui joue beaucoup. Mais dans ces cas-là, peut-être, puisqu'on est dans le domaine des inflexions, des dièses et des bémols, est-ce qu'on peut dire que d'un candidat à l'autre, bon an mal an, un certain nombre de grandes lignes seront poursuivies? On pense évidemment, naturellement, à la construction de la bombe qui fait le grand sujet dès lors que l'on parle de l'Iran. Est-ce que, selon les candidats, les grandes lignes politiques nationale et internationale seront poursuivies, ou bien on peut s'attendre d'un candidat à l'autre à de visibles changements de cap? Si vous voulez, déjà, il faudrait se mettre d'accord. Moi, je suis pas du tout sûr qu'ils veulent construire, comme vous dites, une bombe, déjà. Alors, c'est vrai que il y a tout un débat. Et je suis pas le seul à le dire, hein, pas mal de gens pensent qu'ils veulent maîtriser la technologie nucléaire pour être simplement au seuil, pour être capable de construire une bombe si nécessaire. C'est quand même différent de construire une bombe atomique. D'autre part, il faut bien savoir qu'en Iran, si vous voulez, on présente toujours l'Iran comme une très gentille société qu'on voit dans les films iraniens qui est ouverte, moderne, tolérante, etc. Et puis un très méchant régime, tout ça. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout ça pour vous dire, par exemple, que vous discutez avec n'importe qui en Iran, il vous dira jamais que l'Iran doit céder sur le programme nucléaire iranien. Sur le programme nucléaire. Jamais. Même celui qui est le pire des ennemis du régime pense que et quand on est du côté iranien, on peut comprendre. Il y a un sentiment en Iran que l'Occident n'a absolument aucune légitimité. Il faut bien comprendre ça. À dire à l'Iran ce qu'il doit faire sur son programme nucléaire. Et ça, vous l'entendez partout. Vous dites, l'Inde qui regarde ça ne regarde pas du tout avec les mêmes yeux que l'Occident. L'Inde admet totalement, au contraire, que l'Iran s'équipe. Ben disons, je ne sais pas s'ils sont d'accord pour que l'Iran ait éventuellement une bombe nucléaire, mais disons, ils regardent la manière dont l'Occident gère le dossier nucléaire iranien, quelque part, avec des yeux un peu effarés, en se disant, c'est un peu enfantin, quoi. Pour eux, l'Iran, c'est pas l'ennemi. Ben évidemment, l'Iran, c'est toute une partie de leur histoire. Ils connaissent bien l'Iran et c'est pas l'ennemi qu'on nous présente tous les jours en Occident. Donc, effectivement, si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est que vraiment le nucléaire en Iran, je lisais un article ce matin là d'un Iranien qui a passé une année en Iran. Il dit. L'Occident demanderait à l'Iran d'arrêter d'utiliser un système pour nourrir les vaches, il y aurait la même réaction. Vous voyez, il y a l'idée que, il y a quelque chose de vrai derrière. Il y a quelque chose que, je pense que. Il y a donc de la fâcherie dans l'air. Disons, il y a le sentiment que, voilà, qui êtes-vous pour nous dire ce qu'on doit faire, quoi. Quand on tenu de, vous parliez de l'Inde, du Pakistan, de Israël qui a la bombe aussi. Alors là, ils ont vraiment un vrai, eux, ils en ont combien, 200 ogives. Avec des têtes nucléaires, compte tenu de tout ce qui s'est passé, effectivement, l'Iran qui a soutenu Saddam Hussein. Enfin, il y a vraiment le sentiment de deux poids, deux mesures est très, très profond en Iran. Donc, tout ce que fait l'Occident est vu à travers ces lunettes. Et là, je veux dire, cette politique de... Bon, moi, je le répète tout le temps, mais cette politique occidentale qui consiste à croire que plus on fait pression sur l'Iran, plus ils vont céder... sur le dossier nucléaire, c'est complètement contre-productif parce qu'on est face à un vrai problème, une vraie cause nationale pour les Iraniens. Vous dites les politiques, j'ajouterais les commentateurs. Les médias, ou certains experts intervenant dans les médias, n'ont cesse de souligner, de surligner, de stabilo-bosser la menace du croissant chiite. Est-ce que vous pourriez un peu nous démenacer ce croissant-là? Oui, alors je crois que ça vient du roi de Jordanie, je crois qu'on a parlé pour la première fois. L'idée, c'est que suite à l'intervention américaine en Irak, effectivement, le résultat, c'est qu'il y a un gouvernement chiite en Irak. Donc la grande peur des pays sunnites de la région, c'est que vous aurez le pouvoir chiite, entre guillemets, prend de plus en plus d'importance avec sa position en Irak. La Syrie, dont on parle beaucoup actuellement, est gouvernée par une minorité, les Alaouites, qui sont proches des chiites. Le Liban, vous avez le mouvement Hezbollah qui est chiite. Et donc l'Iran, donc là, il y a la peur, effectivement, de ce croissant chiite qui menacerait la stabilité régionale. Bon, si vous voulez, je dis pas qu'il n'y a pas de problème entre les sunnites et les chiites, vu que c'est comme dans toutes les... Vous voyez, c'est comme entre les catholiques et les protestants. Je veux dire, dans l'histoire même du schisme... est basé sur un massacre de Hussein, le petit-fils de Mohammed, par les sunnites. Donc, dans leur histoire même qu'ils célèbrent, un massacre d'un chiite par un sunnite. Donc, il y a des problèmes entre deux religions, mais ces problèmes sont complètement actuellement instrumentalisés politiquement. Par l'Iran, oui, puisque vu qu'ils sont une république islamique, et il y a beaucoup de... comment dire, de préjudice contre pas de racisme, mais je veux dire, il y a quand même deux poids, deux mesures selon si on est musulman et même si on est chiite ou si on est sunnite en Iran, ça c'est vrai. Mais vous allez en Arabie Saoudite, c'est pareil. En Arabie Saoudite, vous avez une instrumentalisation de cette différence entre chiite et sunnite. L'Arabie Saoudite est en train de financer à fond la rébellion en Syrie. C'est sûrement pas pour installer la démocratie en Syrie, vu que eux ils sont pas une démocratie, ils ont réprimé à Bahreïn. C'est pour faire en sorte qu'il y ait un pouvoir sunnite en Syrie. Donc, moi, je pense que les pays occidentaux feraient bien de faire très attention. On sait très bien ce que ces guerres de religion, quand elles sont instrumentalisées, comment ça commence et comment ça se termine. Donc, je pense que c'est un jeu très dangereux. Alors, puisqu'il donne des leçons, on pourrait peut-être leur retourner le compliment. Quel conseil donneriez-vous à l'Occident ? Comment l'Occident peut-il s'y prendre pour négocier au mieux avec l'Iran ? Vous savez, moi, je suis... j'analyse les choses. J'essaye de me baser sur ce que je sais de l'Iran pour voir. C'est un pays compliqué. C'est un pays compliqué à gérer parce que c'est un vieux pays avec beaucoup d'histoire. C'est à la limite. J'essaye d'appliquer le bon sens. J'écoute. Il y a un comédien en Iran que j'aime beaucoup qui s'appelle Mehran Modiri. Qui a fait beaucoup d'émissions, qui est plutôt un comique, quoi, mais qui est bon, très très connu en Iran. Et puis, on lui disait, c'est vrai que dans un certain nombre de ses émissions, il y a des critiques de la société iranienne qui sont souvent, il critique un certain nombre de traits de caractère de l'Iran, et on lui disait, comment vous faites pour que le message passe en Iran? Il dit, on a un peuple que si vous lui mettez les choses sur le visage, il réagit tout de suite. Donc, il faut toujours trouver un moyen subtil et détourné de lui faire passer le message. Bon, déjà, l'Iran, c'est ça. Si vous les attaquez... Jamais le frontal. Ah, le frontal, vous avez la réponse assurée. La révolution verte, c'était assez frontal, on va dire. Enfin, la réplique. Oui, mais je veux dire, pour tout, hein, de comment vous faites les courses à comment on négocie ou comment on négocie en affaires. Le frontal, c'est la meilleure façon d'aller dans le mur en Iran. Alors, si pas frontal, il faut être subtil. Il faut aller dans leur sens quand on peut aller dans leur sens, faire des choses avec eux. Il faut mieux les connaître. Il faut, si vous voulez, en Iran, vous avez une culture qui existe aussi dans le reste du Moyen-Orient, qui est une sorte de mélange de je suis ami, puis en même temps, c'est pas parce que je suis ami que je dis pas que je vais te planter un couteau dans le dos, mais. Mais j'en ai un à la main. j'en ai un dans ma poche. Je veux dire, on est peut-être trop binaire en Occident, mais ça, bon, c'est notre culture aussi. Mais je veux dire, l'Iran, il faut négocier, il faut discuter, il faut voir où est-ce qu'on a des points d'intérêt. Mais cette politique qui consiste à leur dire, ou vous faites ce qu'on vous dit, autrement, on vous rentre dedans, si vous voulez, c'est la meilleure façon qu'ils vous répondent non. Donc il faut trouver autre chose. Je terminerai par une question toute personnelle, Thierry Coville. Vous, ça vous a appris quoi culturellement par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de voir les choses, le fait de vous être approché de cette culture? Ah ben c'est sûr que ça marque. Hein. De toute façon, vous pouvez pas passer. Moi, ça fait plus de 20 ans que. Donc c'est sûr que ça marque et. Bon, quelquefois, je dis pas qu'on a deux personnalités, mais ça fait réfléchir. C'est-à-dire, vous m'auriez dit il y a quelques années que il y avait un discours occidental qui disait pas toute la vérité, etc., et que notre presse occidentale n'était pas objective. Pour moi, j'aurais dit c'est pas possible. Notre presse est libre, indépendante, tout ça. Bon, maintenant que je suis d'un peu plus près la question nucléaire iranienne, je me rends compte que je dis pas qu'on n'est pas objectif, mais il suffit de présenter les choses un petit peu d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que ça fait réfléchir sur le rôle des médias et la façon dont on présente l'information pour manipuler l'opinion, c'est vrai. Et plus généralement sur la souplesse, donc. Oui, tout à fait, sur la souplesse. Et ça fait réfléchir aussi sur ce que j'appellerais les narratifs. On se rend compte finalement que chacun a son narratif et que chacun pense avoir raison. Et souvent avec raison, et il y a des moments où il faut être assez intelligent pour voir les différents narratifs et trouver comment sortir de narratifs qui s'affrontent trop durement. Quoi. Demain, la suite de cette évocation, nous reviendrons sur un entretien réalisé auprès du chercheur Fabrizio Special, directeur d'études auprès du Centre d'études sur l'Asie du Sud à Paris. Nous nous intéresserons ainsi à la circulation des œuvres qui ont été produites entre le XIIIe et le XIXe siècle, entre la Perse et l'Inde. Oh,